J'aime beaucoup se dit... Mi gusto? Non, pour dire j'aime en espagnol, on dit ça me plaît. Me gusta. Ah oui, me gusta. Hein? Me gusta, oui. Gusto peut être utilisé comme nom dans le sens de goût, mais surtout dans le sens de plaisir, notamment dans l'expression mucho gusto. Littéralement, ça veut dire beaucoup de plaisir. Si vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez dire mucho gusto, dans le sens j'ai beaucoup de plaisir à faire votre connaissance. En français, on dit enchanté. Mais pour dire j'aime, j'apprécie, on dit ça me plaît, c'est-à-dire mi guste. Mais, hein, mais ça me plaît. Oui, me gusta. Me gusta. Hein, il est important d'insister sur gusto. Me gusta. Me gusta, oui. Donc, j'aime écrire, j'aime beaucoup écrire. Me gusta mucho. Mucho. Écrire. Escribir? Presque. C'est un infinitif. On a le R à la fin. Donc, vous avez bien fait d'accentuer la dernière syllabe. Alors, il existe trois groupes de verbes d'infinitif. Ar, er, uir. Il existe ces trois options. Donc, écrire, c'est escriber. Non, je sais pas le mot. Me gusto, oh là là, me gusta. Me gusta. Me gusta escriber. Alors, si vous dites me gusta escribir, vous serez compris. On vous répondra et on vous dira ah, les gusta, ça vous plaît, les gusta escribir. Et alors vous direz tiens, tiens, j'avais dit escribir, mais c'est. Ah oui, escribir. Escribir. Mais ne vous en faites pas, l'important c'est la communication. Je veux vous encourager à deviner les mots, oui, hein, les mots, pas la structure. La structure, vous devez la connaître. Mais. Avec les mots, c'est comme au tennis. L'important, c'est que la balle passe par-dessus le filet. Si la balle passe par-dessus le filet, c'est bon. On vous comprendra. Même si vous vous trompez légèrement de forme ou si vous ne prononcez pas tout à fait correctement. Vous obtiendrez une réaction, une réponse. On vous montrera qu'on vous a compris. Oui. Et à partir de la réponse, de la réaction de votre interlocuteur, vous apprendrez la forme correcte ou la prononciation correcte. Donc, même si vous me dites, comme vous l'avez fait, « escribir, me gusta escribir », on vous comprendra. La balle sera passée par-dessus le filet. Le pire qui puisse vous arriver, c'est d'envoyer la balle dans le filet. Alors, on vous regardera d'un air perplexe et c'est alors que vous saurez que la balle n'est pas passée. Mais vous avez encore un service pour essayer autre chose. Du moment que vous envoyez la balle par-dessus le filet, on vous répondra et cette réponse vous aidera à corriger votre erreur. Mais de manière générale, on ne vous corrigera pas. De la même manière que si un Français dit à un Espagnol « Est-ce que vous voulez visiter la Tour Eiffel ?» et l'Espagnol répond « Non, j'ai déjà allé », le Français dira « Ah, vous y êtes déjà allé ». Alors, automatiquement, l'Espagnol rectifiera et dira « Ah oui ». J'y suis déjà allé. Le Français n'aura pas eu besoin de corriger explicitement. Il n'aura pas eu besoin de lui dire « on ne dit pas comme ça, mais comme ça ». En termes de communication, c'est la même chose dans toutes les langues. Vous communiquez, on vous répond, et alors vous saisissez votre erreur. Donc, encore une fois, si vous voulez dire « j'aime » dans le sens de « j'apprécie », il vous faut dire « ça me plaît », c'est-à-dire « me gusta. Me gusta, oui. Et pour dire vous, usted, vous aimez, on dira ça vous plaît. Alors, au lieu de me gusta, ça sera le gusta. Le gusta, hein, c'est ça. Et vous entendrez souvent dire en espagnol le gusta, avec l'intonation propre à une question. Vous aimez, est-ce que vous aimez ça? Le gusta, c'est à quoi vous pouvez répondre si. me gusta ou no, no me gusta. Alors, encore une fois, maintenant vous devriez savoir dire j'aime écrire. Me gusta escribir. Me gusta escribir. Hein? Me gusta escribir. Alors, si escribir c'est écrire, comment direz-vous j'écris? Escribo. Attention, escribo. Hein? On insiste sur la 20e syllabe. Escribo. Et vous, usted, vous écrivez. Il écrit, elle écrit. Escribe. Escribe. Et pourquoi est-ce que vous ne m'écrivez pas? Porque no me escribe. D'accord. Porque no me escribe. Pourquoi est-ce que vous ne m'écrivez pas?